Salut à tous, vous me croirez pas, aujourd'hui j'ai découvert un mot inconnu. Mais quand je dis inconnu, c'est qu'il est ni connu ni vu. Je tape dans Google le mot démanode. Il me sort comme résultat zéro. J'ai quoi, mais c'est quoi ce bint? Ce mot, je viens d'inventer un mot. Et ce mot démanode, je demande à la NASA, envoyez-moi ce mot-là. Allez, courrier postal, direction la galaxie. Mais même les extraterrestres, ils ne sauraient pas d'où ça vient. Personne ne le connaît. Personne. Dans toute la planète, aucune langue ne prononce, ne connaît, ne dit, ne fabrique, ne sais-je, ce mot. Alors là, je me dis, putain, je viens d'inventer un mot. Il faut que je donne une signification. Oh là là là là, la tâche complexe là que je dois foutre pour... pour baptiser ce mot, tout simplement, ma foi. Et il a la responsabilité. Punaise, je viens de hacker Google. Voilà, je leur ai fait à l'envers, tout simplement. Bon, mis à part ça, démanode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, hein, vous savez, je peux dire tout et n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le dictionnaire Robin là, la rousse là. J'espère que je vais pas être convoqué à l'académie des livres et des sciences, parce que là, ça va être compliqué. Moi qui sais pas faire un sujet, un verbe et un complément. Alors allez là-haut, m'en parlez pas.